noyer le poisson. J'ai pris le temps devant l'horizon de me poser des tas de questions. C'est la belle solution pour ne pas perdre ces belles illusions. Les paresses sont des mots d'occasion. Les vivres sont des poumons de substitution. C'est la belle solution pour ne pas perdre le fil, la transition. On met les journaux à contribution. Les êtres ont des mots, des révolutions. C'est la belle solution pour ne pas perdre la raison. À chaque vie sa propre solution. À chaque pas se battre sans rémission. C'est la belle solution pour ne pas noyer le poisson. La la la la la la la la la la la la la la la. C'est la belle solution.